À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire du peuple coréen dans la guerre de libération de la patrie, le syndicat uni des travailleurs de l'Association nationale de la santé des enfants du Pérou a publié le 26 juillet une déclaration en faveur de la cause du peuple coréen qui sauvegarde fermement la souveraineté et l'indépendance du pays, tout en brisant les menées d'agression des États-Unis et de leurs suivistes. Par ailleurs, en Suisse, le comité préparatoire du rendez-vous en l'honneur des grands hommes d'Actes 5 2017, le comité Suisse-Corée et le cercle d'études des études jutées ont lancé une déclaration conjointe pour soutenir l'entretien du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères qui a déclaré écraser résolument les violations de la souveraineté et les provocations des forces hostiles par les mesures ultra dures. Également, le Forum allemand anti-impérialiste a publié une déclaration en signe de soutien à l'entretien du porte-parole de la représentation de Panmunjom de l'Armée populaire de Corée en date du 20 juillet.